Si tu crois que le verbe voyer existe, si tu penses que le surimi est un poisson qui nage, si tu es persuadé que les homos ne peuvent pas avoir d'enfants, si pour toi il est normal qu'une fille en jupe se fasse violer, qu'il est évident que les musulmans sont de dangereux islamistes, que les immigrés piquent le travail des Français ou que les attentats contre Charlie Hebdo et l'hyper-cacher sont un complot mondial, ton cerveau a été infecté par le cheval de Troie de la connerie. Il faut que tu y installes un antivirus. Je te conseille donc un logiciel qui a fait ses preuves, le célèbre Bibliothèque. Accessible dans toutes les écoles, collèges, lycées et universités en accès libre et gratuit par port USB, il te permettra de faire des mises à jour de ton cerveau par le biais d'une application révolutionnaire appelée le livre. Le cerveau fera lui-même son reboot grâce à la puissance des caractères inscrits sur les pages qui composent l'application appelée lettres. Toutefois, pour pouvoir utiliser le livre en format PDF ou tactile, certaines options sont indispensables, à savoir les mains et ou les yeux. Tu ne possèdes ni mains ni yeux, qu'à cela ne tienne. Tu peux simplement télécharger une autre application, l'AMI. L'AMI, copié sur le modèle des réseaux sociaux, consiste, tiens-toi bien, à rencontrer physiquement et dans la durée une autre personne dans le but de créer un lien avec lui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette application en est déjà à sa version 2.15 et en plus, elle est gratuite et disponible, non seulement dans les écoles, collèges, lycées, universités, mais aussi au travail, dans les bars ou même au coin de la rue ou chez ton voisin. Une fois la mise à jour effectuée, je te conseille un pare-feu indispensable pour maintenir ton cerveau en état de réflexion, les sorties culturelles, qui te permettront de t'éloigner des zones de gestation des virus tels Facebook, BFM TV, Éric Zemmour, Hénin Beaumont, Daesh, NRJ12 ou Dora l'Exploratrice.